laissez que je dire à vous dire la nuit. Somnambule et cédé aux lentes heures mauves, le sommeil m'a laissé sur le quai de mon lit, comme après le théâtre où je suis vieillard chauve. Ils ont passé les ans en bout de sablier, à s'en voûter le dos, à s'en traîner le ventre. Du milieu de ma vie, je me suis retourné, une porte fermée et une autre où l'on entre, où l'on entre, où l'on entre, où l'on entre. Je ne sais presque rien du chemin parcouru, sinon que la poussière ressemble à la poussière, et que les souvenirs qu'on croit avoir perdus, on devrait les jeter au fond de la rivière. Mes pigeons voyageurs me reviennent toujours quand je lis leur message au grenier de l'attente. Je reconnais parfois dans les signes d'amour la danse de ma main, l'écriture. Ces oiseaux de parole ont ma tête pour cage, mon ventre pour chanson et mon cœur pour repas. Moi je parle tout seul d'impossibles voyages et de tous ces pays où je ne vivrai pas. Dans la cage à miroir où j'invente la vie, je titube et trébuche à deux pas des falaises. Les chants sourds de la mer me rappellent l'oubli du temps d'avant le corps, vêtements de malaise, vêtements de malaise, de malaise. Je m'entête à nommer ces présences muettes, cette voix du dedans qui ricane. Juste avant le sommeil, quand s'enflamme ma tête aux chansons devenues folles cacophonies, j'ai beau fouiller mon ventre et le mettre en chanson, mais la voix de mes tripes a besoin des oreilles. Un temps pour les semailles, un temps pour la moisson. Je raconte ma nuit, mais la vôtre est pareille, pareille. Mais la vôtre est pareille. Laissez que je délire à vous dire la nuit. Somnambule et scellé aux lentes heures mauves, le sommeil m'a laissé sur le quai de mon lit, comme après le théâtre où je suis vieillard chauve. Ils ont passé les ans en bout de sablier, à s'en voûter le dos, à s'en traîner le ventre. Du milieu de ma vie, je me suis retourné, une porte fermée et une autre où l'on entre, où l'on entre. Où l'on entre.